Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe en Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Alors avant de démarrer cette chronique, je vous présente mes meilleurs voeux de santé, d'amour et de paix pour 2023. Alors aujourd'hui, on va parler de la présidence suédoise du Conseil de l'Union Européenne. Depuis le 1er janvier, la Suède assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, et ce pour une période de 6 mois. En quoi consiste cette présidence tournante du Conseil de l'Union européenne ? Alors, la présidence du Conseil de l'Union européenne, elle est assurée à tour de rôle par chaque État membre pour une période de 6 mois. La Suède succède ainsi à la Tchéquie, qui présidait l'institution jusqu'au 31 décembre 2022, et ce sera ensuite à l'Espagne que la Suède laissera la place au second semestre 2023. Alors, cette présidence de courte durée, elle permet ainsi à chaque État membre d'être représenté à un moment à la tête de l'institution. Quelle est l'autre particularité de cette présidence tournante du Conseil de l'Union européenne ? Eh bien, les présidences, elles fonctionnent en trio de coopération. La Suède a travaillé avec la France et la République tchèque, donc ce qui permet de définir un projet de long terme. Qu'est-ce que le Conseil de l'Union européenne ? Alors, le Conseil de l'Union européenne, il rassemble les ministres des 27 pays de l'Union européenne qui se réunissent suivant le sujet abordé, donc agriculture, pêche, et participent directement au processus législatif européen puisqu'ils sont chargés d'amender et de voter les propositions de directives ou de règlements qui ont été établis par la Commission européenne et qui sont également soumis au Parlement européen pour amendements et votes. Donc cette institution, elle est à ne pas confondre avec le Conseil européen qui, lui, rassemble les chefs d'État ou de gouvernement, et c'est le Belge, donc Charles Michel, qui en assure actuellement la présidence. Très concrètement, en quoi consiste cette présidence ? Eh bien, présider le Conseil de l'Union européenne, c'est avant tout présider des conseils de ministres au niveau européen. Ce rôle, il reviendra donc aux ministres suédois qui vont devoir préparer les réunions en amont, présider les séances quand elles se tiendront, représenter l'ensemble des ministres européens auprès de la Commission européenne, du Parlement européen ou d'autres institutions internationales. Peux-tu nous donner quelques éléments sur la Suède ? Oui, bien sûr, Yves. Alors, la Suède, elle compte plus de 10,5 millions d'habitants et elle a une frontière donc avec la Norvège à l'ouest et une autre avec la Finlande au nord-est. Sa capitale est Stockholm et c'est l'un des plus grands pays de l'Union européenne. Elle arrive en troisième position après la France et l'Espagne. Et quel rapport la Suède entretient-elle avec l'Union européenne ? Eh bien, elle est membre de l'Union européenne depuis 1995, soit plus de 27 ans. Alors, la Suède n'utilise pas l'euro comme monnaie, mais elle fait partie de l'espace Schengen, l'espace de libre circulation européen, et c'est la troisième fois qu'elle préside le Conseil de l'Union européenne. Quand les priorités de la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne ont-elles été présentées ? Eh bien, elles ont été présentées par le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, pardon pour la prononciation, le 14 décembre 2022. Alors, il avait alors déclaré « Notre unité, notre volonté d'agir reste essentielle pour la sécurité, la résilience et la prospérité de l'Union européenne. La Suède prend la présidence alors que l'Union européenne est confrontée à des défis sans précédent. Une Europe plus écologique, plus sûre et plus libre constitue le fondement de nos priorités. » Et quelles seront, dans le détail, les priorités de la Suède pour cette présidence ? Eh bien, la Suède a défini 4 priorités. Une première centrée sur la sécurité et l'unité, la compétitivité, la transition écologique et transition énergétique, et enfin les valeurs démocratiques et l'état de droit. Concrètement, la présidence suédoise donc va accorder la priorité à la poursuite de l'aide économique et militaire à l'Ukraine, ainsi qu'au soutien à son statut de pays candidat à l'Union européenne. Elle va aussi porter une attention particulière à la compétitivité européenne, à la réduction des risques de prix élevés et volatiles de l'énergie, et à la réforme du marché de l'énergie, à la transition écologique et à la défense du principe de l'état de droit, comme on vient de le dire. Merci Camille, on va marquer une pause dans Europe On Air avec bien sûr un groupe suédois, c'est Alcazar et le titre Crying at the Discotheque. Nation on the move. Join in on the disco tribe. Air avec les centres Europe Direct. De retour sur Radio Fagette pour l'émission Europe en Air présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on parle de la présidence suédoise du Conseil de l'Union Européenne. Et Camille, avant la pause musicale, on l'a abordé rapidement, mais quels vont être les dossiers que la présidence suédoise du Conseil de l'Union Européenne va mettre au-dessus de la pile ? Eh bien Yves, la Suède assure la présidence du Conseil de l'Union Européenne dans une période où les États membres et l'Union Européenne dans son ensemble sont confrontés à des défis qu'on a dit historiques. L'invasion illégale, inacceptable et non provoquée de l'Ukraine par la Russie constitue une menace pour la sécurité européenne et comme l'affirme la présidence suédoise, elle a des conséquences désastreuses en termes de flux migratoires, de sécurité alimentaire mondiale et d'approvisionnement en énergie. Alors concernant justement cette priorité qui concentre la sécurité et l'unité, un des objectifs de la présidence suédoise va être de dégager un consensus en faveur d'une politique de défense et de sécurité européenne solide, et ce en étroite coopération avec les partenaires de l'Union européenne. Il va notamment être question de la mise en œuvre de la boussole stratégique qui avait été initiée durant la présidence française du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2022. Et tu avais également indiqué comme deuxième priorité pour cette présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne, la compétitivité. Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, Yves. Alors, la tension politique la plus urgente est nécessairement consacrée à la guerre en Ukraine et à ses conséquences à court terme. Parallèlement, une attention particulière doit être portée aux efforts qui visent à stimuler la croissance économique pour relever les défis à long terme. Alors, la force, la résilience et la position de l'Europe dans le monde dépendent de sa production économique qui est étroitement liée au marché unique et au commerce mondial. Un des objectifs de la présidence suédoise va donc être de faire adopter une approche concertée de la compétitivité européenne. Et tu nous as aussi parlé de transition écologique et énergétique. Oui, la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne s'est aussi fixée comme priorité de poursuivre ses efforts pour lutter contre les prix élevés et volatiles de l'énergie et s'efforcera en même temps de mettre en place la réforme du marché de l'énergie à long terme. Alors il s'agit là pour la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne de mettre en œuvre l'initiative d'ajustement à l'objectif de 55%, donc Fit for 55, qui fixe l'objectif de réduction intermédiaire de baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport au niveau de 90 pour arriver à l'objectif que s'est fixé l'Union européenne, la neutralité climatique d'ici 2050. Alors toujours dans ce domaine, pour une transition vers un avenir sans carbone et une utilisation plus efficace des ressources, il va falloir investir massivement dans des industries innovantes et dans cette optique, la présidence suédoise souhaite donc travailler sur un cadre réglementaire et mettre en place des politiques adéquates pour attirer les investisseurs. Enfin, que contient la quatrième priorité ? Eh bien, l'Union européenne repose sur des valeurs démocratiques. La présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne va donc aussi être centrée sur la défense du principe de l'état de droit et des droits fondamentaux. Merci Camille, c'était la chronique Europe On Air sur Radio Fagette présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À très bientôt.